La rivière a cessé d'arroser nos pensées, a cessé de couler sur nos émois sucrés. Nos cœurs ont dérivé, l'horizon dévié. Le temps a épuisé nos dernières volontés, épuisé en secret la puissance d'aimer. Sans pouvoir résister aux sentiments usés. Autant qu'il a brillé sur nos tendres étés, le soleil a brûlé notre dernier été. Le désir oublié sur les routes empruntées. Partir de toi, c'est m'arracher à moi, me déchirer de moi, à bout des mois. Voir se mourir le plus long des soupirs, nos cœurs se refroidir, me fait blêmir. Partir de toi, c'est m'arracher à moi, me déchirer de moi, à bout des mois. L'océan a cessé d'abreuver nos soirées, a cessé d'enivrer notre soif de s'aimer. Le navire a coulé au large des années. On a laissé mourir ce qui nous faisait rire. On a laissé partir ce qui nous rendait ivres. Même les souvenirs partiront s'endormir. Des hivers éperdus en saisons suspendues, des printemps revenus pour s'avouer vaincus. Les derniers résidus s'envolent à notre insu. Partir de toi, c'est m'arracher à moi, me déchirer de moi, à bout des mois. Voir se mourir le plus long des soupirs, nos cœurs se refroidir, me fait blêmir. Partir de toi, c'est m'arracher à moi, me déchirer de moi, à bout des mois. Au loin de toi, je suis au bout de moi, je laisse mes émois dans l'au-delà.